ça c'est pas le bruit d'un flingue, mais bien celui de mes punchlines. Et on m'en rappelle souvent. Pousse la révolte, pas du tout de revolver. Ça manque le choc de 2000 volts. Mon rap est frais, frais, frais. Enlève ta camisole, mon hip hop frappe à la tête. Rends les gens normal, mon goal. Mon rap est prêt, prêt, prêt. Pour l'amour ou la guerre. Mais s'il faut, on va la faire. J'écris des trucs, ce que je ressens à l'intérieur. J'écris pas non plus pour plaire. Big up à ça et la terreur. Avec le temps, j'ai creusé mon terrier. Sur mon rap, j'ai parié. J'ai jamais cru que ça paierait, non. Alors on rappe aussi fort qu'on frappe. Quand on vit, je te le dis, gros, c'est rare qu'on rate. Malgré tout ce temps, ils veulent encore qu'on batte. Mais je te jure, ils ont pas fini de nous avoir d'impact. Nous, on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. What, what? Yeah. Jusqu'à notre dernier souffle. Si le morceau, ils veulent que je le crache. Moi, je l'avale ou je m'étouffe. What, what? Yeah. Je l'avale ou je m'étouffe. Nous on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. What, what? Yeah. Jusqu'à notre dernier souffle. Si le morceau il veut que je le crache, moi j'l'avale ou j'm'étouffe. What, what? Yeah. J'l'avale ou j'm'étouffe. On part de simple principe, sûr qu'on va te réinsérer. C'est faux pour que tu restes tout seul dans ton petit coin coincé. On parle de mouvement, pas certain d'être en mouvement. Se retrouvant présentement dans de sable mouvant. J'mets ma vie sur pellicule quand gesticule tes testicules. Rap c'est tellement que t'en perds tes cheveux, tes pellicules, yeah. Un grandi brother, ça y est, Spitfire pour compléter le bal de l'aura. Et check ton corner, c'est nous qui le contrôle. Mais soudain, t'as plus petit compte à reconnaître ton rôle. What did I doing en ce moment, c'est pas tes affaires. Mais c'est sûr, c'est plus important que de parler de niquer sa mère. Gun, gun, bling, bling, gang, best so fucking blasphème. Passe un autre étape, arrêtons de parler de ces fucking assholes. Mais le but de la faire de la chose, c'est sûr, c'est pour la bonne cause. Faut juste s'assurer en fait qu'on te donne la bonne dose. Nous on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. What, what? Yeah. Jusqu'à notre dernier souffle. Si le morceau il veut que je le crache, moi j'l'avale ou j'm'étouffe. What, what? Yeah. J'l'avale ou j'm'étouffe. Nous on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. What, what? Yeah. Jusqu'à notre dernier souffle. Si le morceau il veut que je le crache, moi j'l'avale ou j'm'étouffe. What, what? Yeah. J'l'avale ou j'm'étouffe. Depuis le temps qu'on rappe pour les gens qui sont nos back. Quand je débarque c'est trop d'impact. Pour l'industrie on est back, yeah. C'est pour brother, je m'en viens de faire vivre ton heure. C'est pour les gens qui finissent plus gros, ils vont tomber sur le tonnerre. C'est sûrement pas pour les gens qui défient mes balles. Dans le fond ça fille, ça finit mal. Mon rap est devenu médical, ouais. Mon rap est tight, même les punks avec des spikes. Les gars dans leur voiture en bike, même en faisant un fight. C'est pas de la politique, ni bénéfique ou prolifique. Les formateurs n'est plus en vie, gros la cavalerie rapplique. J'écris des trucs de dingue, tu sais très bien que c'est mon style. C'est mon style. Faut juste s'assurer en fait qu'on te donne la bonne dose. Nous on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. What, what? Yeah. Jusqu'à notre dernier souffle. Si le morceau il veut que je le crache, moi j'l'avale ou j'm'étouffe. What, what? Yeah. J'l'avale ou j'm'étouffe. Nous on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. What, what? Yeah. Jusqu'à notre dernier souffle.